À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, les journaux syriens et britanniques ont présenté les numéros spéciaux. Le syrien Tichlin, en date du 7 juin, a inséré une photo du général Kim Jong-il et écrit qu'il a développé le parti en parti mère qui sert le peuple, consolidé l'unité monolithique du leader, du parti et des masses, et pratiqué parfaitement la politique de Sun Gun conformément à la demande de l'époque. Le britannique Proletarian de juin a présenté sur des pages entières un numéro titré « Le Parti Travail de Corée affirme de poursuivre la voie socialiste ».